Hello. Hey. Nobody play? elle est venue frapper à ma porte comme si elle avait perçu par je ne sais quel sortilège j'étais prêt à faire le grand saut. Mais elle a trop voulu en faire, son baratin ne m'a pas plu. Je lui ai dit merci madame, mais pour moi je trouve qu'il est trop tôt. La faucheuse a merdé, elle a pas rempli son contrat. Elle m'a dit de bien m'amuser, je serais con si j'en profitais pas. Alors elle a pas insisté, elle a compris que c'était pas l'heure. Et c'est doucement, sans un bruit, qu'elle m'a laissé sans rien me vendre. Elle m'a juste dit profites-en, passe pas à côté du bonheur. Mais en sortant, elle a laissé ouverte la porte de ma chambre. La faucheuse a merdé, elle a pas rempli son contrat. Elle m'a dit de bien m'amuser, je serais con si j'en profitais pas. till the bee ain't in. Sally free and easy, that till the bee ain't in. Took a sailor's loving for a nursery game. Through the heat he gave me was not made of stone. Through the heat she gave me was not made of stone. It was sweet and hollow like a honeycomb. Think he'll wait till sunset, feed the dancing down. Think he'll wait till sunset, feed the dancing down. Tell her take the tide away. Sally free and easy, that should be an end. Sally free and easy, that should be an end. When my boat is landed, of shame. Summertime, and the living is easy. Richard jumping. And the curtain is high. Your daddy rich and your mama's good looking. Actually, the baby, don't you cry. One of these morning, you're going to rise up singing. Spread